100% rap français, planète rap. La Nocturne. Et c'est parti juste après Difool pour La Nocturne, 100% rap français. Il est de retour dans les bacs. En mode Superman, Superman noir dans les bacs. Monsieur Olkinri, comment va? Oh bah Fred, tranquille ou quoi, man? En pleine forme? On est là, la quiz tape est sortie aujourd'hui. Ça y est, et oui, c'est la quiz tape, ouais, toi, tu l'appelles la quiz tape. Ouais, la quiz tape, c'est comme ça que je la prénomme. J'ai vu ça. Fraîche. Une belle quiz. Oui, toute croustillante, elle sort du four au calme. Moelleuse, bien comme il faut, quoi. Exactement. Donc on va pouvoir découvrir évidemment ce projet, on fera un petit retour aussi dans cette carrière quand même qui est assez incroyable, hein, Olkinri, mine de rien. Les années défilent. Ouais, les années défilent, ça va, on n'a pas trop dormi, on a quand même balancé nos ogives, tu vois. Ah bah non, ça là, en plus, j'ai l'impression que tu rajeunis. De ouais, projet en ça. Projet. T'as vu ça? Ouais. Je sais pas ce qui se passe. On se remet en question à chaque projet, on essaye d'envoyer le feu. Donc voilà, on va traverser le temps à travers tous les projets que j'ai pu sortir depuis les débuts. Et puis... Et s'écouter quelques exclus de Superman Noir, quoi. Qu'est-ce qui t'a motivé à retourner là en studio pour Superman Noir? C'est parce que t'avais des morceaux aussi, petit à petit, t'y vas régulièrement? Ben, j'ai rien sorti en 2015, et tu vois, quand tu sors rien, on a l'impression que tu dors, mais en vrai, j'étais en studio, j'avais plein de titres. Après, il y a eu des petits contretemps qui ont fait que j'ai pas pu sortir de projet. Et je vais essayer de me rattraper cette année en balançant ça et puis d'autres qui arrivent après. D'autres quiz? Ouais, d'autres quiz. Exact. Bah, normalement, ça marche par deux déjà. Donc, quiz, les wings, il y aura tout. Il y aura tout. Il y aura tous les bails. Il y aura la totale. Allez, coup d'envoi, Superman Noir. C'est donc le projet, on peut le télécharger maintenant. Par exemple, si on kiffe sur un des morceaux ce soir, on peut aller cliquer. Voilà, exact. Tu cliques, tu vas sur iTunes, sur tous les bails, ou tu vas à la Fnac, tu vas dans les jeans et puis tu prends ton jazz, quoi. Je crois que c'est clair. On peut attaquer? Allons-y. Attaque avec quoi? C'est le son qui parle. Oh, je viens de balancer le clip de Clubber Lang. Ouais, le clip est arrivé aujourd'hui aussi. Donc on va s'écouter Clubber Lang pour ouvrir le bal. Tire. Olkinri au contrôle de La Nocturne. Personne ne peut me battre et personne ne me battra. Et je vais m'entraîner encore plus qu'avant. Il n'y aura pas de KO au deuxième round. Je vais le torturer, ce balourd, je vais le crucifier. Gros big up à Tommy. On boucle Tommy, on va tout soir. Pourquoi t'es pas un vrai mec? ABS Team. Tu dors pas la nuit, tu rêves à un homme, un vrai. Alors écoute-moi. Ramène ta belle petite gueule à mon appartement ce soir. Tu verras ce que c'est un vrai mec. Faut-il leur expliquer comment faire? Préparez déjà vos soins dentaires. Là c'est dur, tu veux quoi mon frère? Négro mets la balle à terre. Aussi chiam sans vos titres que les commentaires. MC je suis ton père, suis bien mon repère. Un bouc de Chris Cross, un bouc de Rick Ross. Je suis capable de faire un carnage sur un beatbox. Quand je vois le bois rouge et la biscotte, là je dis stop sur le son de mon ami Scott. L'impression que je suis seul à remarquer que tout est army. Où est l'arbre? Tous sont vos habits. Avec vos rappeurs d'aujourd'hui, les boucs t'insultent ta mère avec une barbe et une Barbie. Mais que veulent ces gens? Que veulent ces gens? Le game voyage avec trop d'excédents, c'est trop décevant. Même si tu te couches comme Miley, j'arrive, j'enlève mes bandes. Je vais les chicoter à main nue, les poings fermés. Va falloir m'enfermer ou me la fermer. Dis-moi comment tu vas faire, négro. Sans forcer, j'ai contracté comme pas permis. Je suis alterné, punchline et coup de pied sauté. Freestyle et double crochet, y'a un fossé. Laisse-les tomber dans le vide, pas de faire ma sozo hit sur la chaussée. Je n'ai jamais su faire semblant le style de Taylor Jack. OG, Bobby, Johnson. J'avais trouvé vos yoku dans une taille de Jack. Grillé, crevé, ensemble. Et vos potos, oui vos potos. Ceux qui vous manquent, vous êtes au top. Vous les blaguez comme le Choco, Kaira dans les photos. Babe bro, chef de gueule. Toujours sincère comme mon négro Floki. J'porte mes couilles et mon froc. Mate le croquis, j'suis dans le cockpit. Mets du piment dans mon pocket. J'suis pas un gentil, j'ai goût mes Rocky. J'réclame un gros vie. Qui t'a dit toi que tu t'aides? T'as rimé l'aide. Tout affiché sur le web. Et en plus personne te dit rien. Te jure c'est belle. N'écoute pas mes clics. Je me dis gâté. La ramasse le flow par terre. Et le groupe se pavane. Narine dilatée. Comme un gros du cartel. Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Mais que veulent ces gens? Dis-lui la vérité. Ton pote est nul. Dis-lui la vérité. Ton pote pue la merde. Dis-lui la vérité. Ton pote est nul. Dis-lui la vérité. Ton pote pue la merde. Dis-lui la vérité. Ton pote est nul. Dis-lui la vérité. Ton pote pue la merde. Dis-lui la vérité. Ton pote est nul. Dis-lui la vérité. Ton pote pue la merde. Mon vieux, tu me reconnais? J'écoute et je me dis gâté. La ramasse le flow par terre.

J'suis dans mon propre délire là où rien ne pourrait venir blaser oncle Div. Mais t'étais pas encore prêt pour ce genre de groove. Mais j'vous balance quand même le concept élaboré de mon dernier move. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Attrapé dans mauvais état, ne m'interromps pas. Je lâche une batte dédication live, la planète Végéta. Laisse vos petites en l'air, K. Un bureau Stuerka. Pour WAM, j'ai le Bangala délicat. Je vous présente mon Beretta Gonzo. Parce que je le vaux, les jaloux laissent des impacts sur mon bolobo. Petit pas d'Azonto, charisme à la Django. Quand c'est la pleine lune, je deviens bonobo. Quand on m'appelle, j'ai tu ça, je n'ai que ça. Et je fais ça dans la douceur, dans le coussin. Dieu m'a donné le juice, je veux tout ça. Bébé, oui, j'ai la peau douce, mama coussa. Deep face, un paradis de quiz. J'suis dans mon propre délire là où rien ne pourrait venir blaser oncle Div. Mais t'étais pas encore prêt pour ce genre de groove. Mais j'vous balance quand même le concept élaboré de mon dernier move. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. C'est pas que je peux, c'est que je dois le faire. J'suis au max et tous les startups. Le rap est dans le coma, qu'ils avouent leur crime. Mourez sous mes teams, avec les vilaines que vous voulez pin, c'est l'ultime. Négro crazy à la Silo Green, j'suis pas van à la Billie Jean. Parfois je varie, je prends des skinny clean. Et mon public même comme ça. Dans mon genre, je suis le king des styles. Pas caillot aux Philippines. J'aime la vivance encore en Rona qui danse. Tu sais, mon rêve, c'est d'être le canapé de mon Airspace. Un paradis de quiz. J'suis dans mon propre délire là où rien ne pourrait venir blaser oncle Div. Mais t'étais pas encore prêt pour ce genre de groove. Mais j'vous balance quand même le concept élaboré de mon dernier move. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala, Bangala, Bangala, Bangala, Bangala. C'est le Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Bangala, Bangala. Les questions de quiz. Oui, un petit peu. Le morceau s'appelle Bangala, c'est extrait de ce projet qui s'appelle Superman Noir. Aucun rire après le contrôle de la nocturne, le projet est dispose. Par exemple, celui qui fait sur ce morceau, il est bon, hein, le son aussi. Hein, ouais, bon petit délire sur le Bangala, dédicace à mon Zizir Clan, à toutes les quiz et les wings. Ouais, parce que je rappelle que non seulement Aucun rire, c'est évidemment plusieurs projets, plusieurs sorties. Celui-ci, tu le considères comme, plutôt comme une mixtape, c'est pas vraiment ouais, un album. Ouais, c'est plus une mixtape, vu qu'il n'y a pas que des inédits non plus, tu vois. Et que voilà, c'est un bon petit délire, un bon thermomètre que je relance après une année d'absence, quoi. Pour relancer la machine. Ouais, relancer la machine, t'as vu, tranquille. Il ne s'agit que de ça. Il ne s'agit que de ça, uniquement. Non, je disais donc, ouais, évidemment, tous ces projets. Et puis c'est vrai qu'il faut te suivre, t'as sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'il y a quand même des choses incroyables. Mais il y avait eu un bouquin d'ailleurs où, qui reprenait. Qui reprenait certains de mes tweets. Certains de tes tweets. Ouais, qui étaient sortis il y a quelques temps, il y a quelques années maintenant de ça, je crois. Ouais, exact. J'avais envoyé des tweets de folie carrément. On en avait fait un bouquin. C'était trop marrant. Donc sinon, maintenant, faut toujours te suivre où alors? Sur Instagram, Olkinry. Sur ma fanpage, OL'Kinry. Sur Snap, Olkinry Book Diff. Book Diff. Olkinry Book Diff sur Snap, en live, tous les G's, tous les bails. Et pas de Periscope encore. Si, j'en ai fait un peu, mais. Méfiance. Je suis pas fan. Attention aux dérapages. Ouais. Non, je suis pas fan, c'est trop live comme ça, tu vois. Non. tranquille. Bon, et en attendant, surtout, avant tout, il y a le son. Il est de retour, Olkinré. Il nous a dit 2016 tout à l'heure. Ouais, je suis là, je lâche plus le saumon, là. Je suis là. C'est pas une blague, hein. Ouais, je suis là tranquille, je vais balancer des bails toute l'année, y a rien. T'es revenu le 1er avril, mais c'est pas une blague. Ouais. En même temps, big dédicace à mon bouc Denise, qui assure les bails derrière WAM, tu vois. Big dédicace à mon bouc Adit, tous mes frères qui sont là, ma couillon team. Yeah. Django aussi qu'on peut dédicacer, c'était pas ouais. Ouais, happy birthday à happy Django. Happy birthday, Jack. Django. On va se mettre un coup de champagnon tout à l'heure, histoire de fêter tout ça, hein, mon grand. Hein. On fêtera ça avec Olkinré, l'anniversaire de Django. Django qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur Superman Noir. Ouais, exact, il est sur le morceau Chicken Love. Chicken Love, ouais. Ouais, le morceau Chicken Love, très particulier aussi. Très original. Allez vous le procurer, allez cliquer pour récupérer ce projet qui s'appelle Superman Noir. On repart d'ailleurs avec un morceau dessus, c'est ça? Exact, on repart sur GEC. Qui veut dire Grand écart canalisé. Mm-hmm. Allez comprendre, il faut écouter le titre. Et ce sera le prochain clip aussi. Olkinré. Di. Au contrôle de la nocturne. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, il s'agit que de ça comme mon passager à inf. Comme si j'étais coupable mais j'ai rien fait. Cette putain de life est une nymphe m'évincée. Je tarde plein feu, grillé comme Bangala dans pantalon à pince. Je vous l'ai dit 20 fois, je suis dans mon délire. Abdominal gainé, genre de négro jamais vu à la télé. Totalement canalisé, il fallait que je kick ça. Vous aimez trop le sale bande de Dixa. Tu n'as pas envie de ça, de la phalange du singe. Que je balance des Indes, je canalise mon côté gang. Il faudra pas parler hindou quand t'entendras le coup bang, bang. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Je médite, je vois un féca. Y'a rien que ça pour me mégal. Parfois t'as sonné sur ma bécane. Je me dis que ma folie me dépanne. La violence me réclame. C'est rap game où je me place et je repars. Que je garde, que je répare. Faut que j'équilibre. Yo mes négros, faites ce que vous aimez faire. Sachez que vous êtes libre. Ils me prennent pour un taré. Mes boucles dit fait carré. Si je vois que je suis plus haut niveau, j'arrête. L'ermite n'est pas net. Et je resterai dingue jusqu'à Serena ou Beyoncé me caresse. Donc voilà, je récidive. Il le fallait. Torse nu sur le divan. Le bouc est balèze. Peu importe l'époque ou l'instru, je reste à l'aise. Vrai bouc zère peut pas vivre dans le paraître. Parfois doser sur le terre-terre. Respirer l'air frais. Quand t'écart bien qu'éblo. Pas de pitié pour mes adversaires. J'ai des vrais frères. J.O.P. West, c'est bon. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé, t'écart dans les tiers. Totalement canalisé. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Allez, pire, si tu carottes, Bob Dan. Je lève l'angle, tel un marin, je reste propre, même quand je l'escroque. Écris mon nom, plus sale. Coup de griffe, verbal, roule, spliff, terme, crasse. All carry, demolition, man. Nous, on casse les côtes à la police. Zeref, yo, appelle-moi Zeref, yo. Molotov, undercover, la muscule est pas faite. Appelle-moi kilo de cocaïne dans le coffre d'un Merco. Hardcore. On peut pas plaire à tout le monde comme Marco. C'est Tony Montana, Ali Pacino. T'as ma parole, c'est qui Bene, c'est qui c'est Pequeno. Mon rap, planqué comme du bédo dans les couilles. Illicite, si tu pécho chez moi, mec, vas-y, grouille. Vas-y. Appelle-moi Carlos ou encore Pablo. Numéro des crew, écrit sur tous les tableaux. Tu sais. Pour les affaires, moi je fais de la compta. Si tu carottes mes thunes, ça fera ratatata. Appelle-moi criminel, tout comme Al Capone. Secoue la tête comme dans un film système de Boudou Bédou. Tous les gars, là, crie mon nom, Alibi, je quitter mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. Ne m'appelle pas si tu te rappelles pas mon nom. Et quand je la baisse, dis à ta belle de ne plus m'appeler par ton nom. Dis-lui, c'est Nubi sale, sale. Moi je baise et je dis bye bye. Tu vois le jazz? Sinon appelle-moi Serval. Quand l'instinct de fauve me dit de faire mal. Coup de gris, verbal, roule, split, d'herbe grasse. Appelle-moi Bob Marley quand je viens parler de mes routes au fils d'esclave. Appelle-moi Chaka Zulu, évadé du champ de coton, assoiffé du sang du colon. Appelle-moi Swan, chef des Warriors. Appelle-moi Soir si tu veux des versets hardcore. Que ton escale a crié mon nom, Nubi sale. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. Comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. Si tu parles mal, tu peux m'appeler Gif sur la joue. Tu peux crier mon nom jusqu'à prendre du sirop pour la toux. Appelle-moi Nicky, Larson, Biggie. Appelle-moi Nicky et je reviens comme le phénix. Appelle-moi Chevalier Hickey. Appelle-moi Belle, je te crève et je t'enterre. Appelle-moi Cyrus, le virus quand j'ai les ailes de l'enfer. Appelle-moi Malcolm X avec un gilet pare-balles. Ou appelle-moi Chicken Wings à l'intérieur d'une garde. Ah, mon rap vient d'ailleurs, tu peux l'appeler E.T. Appelle-moi la dixième balle qui va flinguer. Appelle-moi, fais faire le chat. Quand je peux, je vais glisser. C'est Mr. O.L. Dis pas la suite, car tu sais qui. Que tout l'escale a crié mon nom, Paul Kerry. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon. Comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. Oh, appelle-moi surprise, les couilles avant son McDo. Appelle-moi crasseux dans les coulisses d'un McDo. Appelle-moi coupé, décalé dans une boom du FN au 6-7. Et le physio, c'est Ben Laden. Appelle-moi Mahamadou dans la tribune des Boulogne Boys, pendant un choc, PSG Mali. Appelle-moi Fouette Ibrahim, braqueur, bac plus 10, prof de maths. Et le soir, je bu grave de shit. Appelle-moi ZF, yo, Molotov, undercover, la muscule va avec. Le gant qui sonne sans salam alaikum, j'comme cogne, bim bam poum, et salam alaikum. Tout l'escarne a crié mon nom, ZF, yo, j'viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'a fait mis au monde. MC Criminal, Chimio, Chimio. Qui tu connais comme moi, ma part John Ross. Junior, appelle-moi la crosse, sortant d'un fut, personne ne m'ignore. Appelle-moi jamais vu ou inédit, Jordan ou Zinedine, Pop Dan ou Pork Dar. Mon flow devrait être interdit, t'as rien compris si tu ne m'appelles pas le boss des boss. Car la vie a fait de moi le parrain. Danny Osgood, j'écris tous les jours, je lève l'angle tel un marin. Je reste propre, même quand j'escroque, belle pop le malin. Quand j'ai des soucis, j'ai le cœur noir, je suis adébicidane. Même si je suis calme, lyrical, Gengis Khan. Y'a eu Jesse James, appelle-moi Jesse Dan, Sissy Man, récital. Je me barre triste, appelle-moi Vézézal. A crié mon nom, Bob Danny. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC Criminal, Chimio, Chimio. Allez, si tu me carottes, Bob Danny. Je lève l'angle tel un marin, je reste propre, même quand je l'escroque. Kicker mon nom, il est sale. Yo, encore happy birthday mon gars Django Jack. S'agit que de ça. Danse avec le loup, Dieu. T'es sur le projet, big up à Danny Dan. Yeah, yeah, yeah, yeah, mon homeboy. Well, je ne suis qu'un parmi des millions, un loup parmi des loups. Un parmi des millions, un fou parmi les fous. Métropolitain et fier de l'être, souvent pressé, je l'avoue. Et souvent vraiment stressé pour mes sous. Je garde ma casquette, tout le temps baissé jusqu'au jour. J'aime aller dans les clubs et danser jusqu'au jour. Taguer sous les tours, draguer sous les tours, flâner sous les tours. Mais bon, faut bosser tous les jours, même s'ils réussissent que les escrocs. Ceux qui ont beaucoup de bol, le sang des innocents coule. J'ai besoin d'une boussole, on trouve trop vulgaire. La radio prend le public comme un SDF, parce que de la soupe populaire. Mais Dan aura la casquette large, le jean tombant et mon DJ tourne le dos quand il se rage. Je les fais crier oh ah ouais. Et même quand les critiques pleuvent, je suis cool, j'ai le flow kawaii. Du rap maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec MC Vous. Maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec même pas le te lâche. Maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à achant même pas ton chasse. Maintenant qu'est-ce qu'il y a? Va niquer ta race. dur de me griller en costard. Diffré un gros scar, là j'accroche l'écran, placement au scotch marron. Vas-y ramène mes grosses parts, vénère comme Joe Star. Des rimes de bâtard et des grosses paroles. T'as l'oreille devant mon canon, t'aimes ça non. Le son te roule un palo et tu plais sur le piano. Joueur de que métro colérique, ramène tes sauces, je les nique. J'suis gâche à la Laurence Boccolini. Yeah, en termes de son y'a moins de claques et de cream. Les chanteurs de R&B se prennent des claques et des piles. Dans l'équipe pas de pec pelo ni pédé, que des frères au contri mais t'es mort, Vlas et Pequeno et Béné. Je veux faire péter les plombs, premier au Itenco. Ou Ballon d'Or façon Tchèvtchenko. Si tu connais mon album, tu connais mon magnum. Les fous en forme et des groupes ben y'en aura plus jamais. Tu voulais du rap, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec MC. Tu voulais du rap, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec même pas. Tu clashes maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec même pas. Ton chasse maintenant qu'est-ce qu'il y a? C'est d'aller trop vite, parce qu'à la longue ça devient comique. Te comparer à moi, c'est des cure-dents contre des broniques. Tu vas encore m'entendre rapper. Tu ris du genre Sarkozy, seul dans ma maison de quartier. Sauvage est mon ethnie. Et tous les mecs qui ne serait-ce que doutent de mon power prennent des rimes Jet Li. Donc faites péter le cristal, parce que essayer de stop ça sert à rien comme la troisième destinée. Well, examen si t'aimes. J'suis en mission comme Kerry James. Pop te fait minimum, jouir ou tu finis blême. Peu m'importe le nombre de gens dans ton crew. Renoir tu suceras ta salle, il vec du sang dans ton goût. Je me suis protégé au meilleur d'entre eux. Pas perdu une plume, ce n'est pas du rap, je n'ai que du pur jus de burne. Et tu n'as pas envie d'avaler mon jet, à moins d'avoir une chatte. Je comprends pourquoi tu me regardes sous pied. Du rap, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec MC. Du rap, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec même pas. Tu clashes maintenant qu'est-ce qu'il y a? Tu danses à avec même pas. Ton chasse maintenant qu'est-ce qu'il y a? Carré après le contrôle de la nocturne ce soir. Les messages, le hashtag c'est la nocturne évidemment. Tous vos messages vous balancez pour All Carré. Là c'était quoi mine de rien 2005 hein. Ouais ça remonte hein, ce projet là ouais. Ça va vite. C'est le projet, premier projet avec Danny Dan là. All Carré Danny Dan ouais. C'était en 2005 là où il y avait le Crimon en remix. Ah ouais non. Les loups qu'on écoutait avec les Django. Les loups qu'on vient s'écouter avec Django. C'était sous les biwax à la prod. Big up à lui sous les biwax. Grand, grand beatmaker que ouais. Je respecte à mort quoi. Qui a bossé avec les plus grands. Avec les plus grands. Avec les plus grands. Exactement. Et des projets peut-être de nouveau avec Danny Dan ou c'est pas pour le moment le carré. Tu sais moi tout ce que je fais c'est spontané hein, tu vois j'ai du mal à me projeter à faire un calendrier et m'y tenir tu vois. Donc en fait tu vois tous les projets avec Danny Dan ça s'est passé sur un coup de tête. On était ensemble, on mangeait un poulet, il dit vas-y viens on fait un projet, j'ai dit vas-y ok. Tu vois, c'était pareil sur le deuxième, on s'est recroisés. Vous avez remangé un poulet. On a remangé un poulet, il m'a dit vas-y on en fait un deuxième, j'ai dit ok. Tu vois, c'est. Jamais 203. En fait c'est que comme ça que je fonctionne, j'ai du mal à me projeter. Et... Pareil pour le projet en commun Factor X avec Django et Kamnouz. C'est pareil, tu vois, ça reste méga, on se pavane tout le temps ensemble, on est là, on s'appelle tout le temps. On a enregistré des titres, tu vois, et puis je pense qu'on sortira un truc prochainement, quoi. Bon, et avec qui t'aimerais faire un album en commun, là, si tu devais choisir Je sais. Ou un featuring, parce que c'est vrai que toi, t'as fait beaucoup de featuring avec beaucoup les principaux artistes de la scène rap, hein. T'as, bah oui, t'as fait beaucoup de morceaux. C'est peut-être pour ça qu'il y a pas de feat sur Superman Noir. Ouais. Il y a un morceau avec Factor X. Mmh. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de feat parce que j'avais pas envie d'échanger. Quand t'as un morceau avec du monde, ça veut dire que tu réduis ta partie. Et moi, j'avais pas envie de partager. Et là, tu as faim. Voilà, j'avais faim. J'avais je voulais tout le morceau pour moi. Le poulet tout seul. Voilà. Superman Noir, c'est All Carré qui a pris le contrôle de la nocturne. On reste dans les classiques d'All Carré. Ouais, allons-y. Retournons un peu en arrière. Dans la DeLorean. Putain de scène de bâtard. Putain de scène de bâtard, ouais, classique sur l'album Les Chemins de la Dignité.

tu mis mes Jordan, t'as mis tes Jimmy Choo. La bouteille est vide, ça va pas, non. Je champagne, tu champagne, nous champagne. Je m'en jaille, tu t'en jailles, on s'en jaille. Et je me pavane, je me pavane, je me pavane. Je sais que les gens me touchent, que les gens me souillent. Mais au moins, essaye de laisser plus de champagne dans ma coupe. Pop champagne, it's your birthday. On joue pas mal, it's your birthday. On s'arrête jamais, it's your birthday. Et tu sens sur mon lèvre son verre. Je ne voudrais pas trop dissouler. Verse-moi un peu plus de champagne dans ma coupe saoulée. Je ne vois pas le temps s'écouler. Verse-moi un peu plus de champagne dans ma coupe saoulée. Je suis posé à la coule. Je me mélange à la foule. Tu m'as fait mal avec ton boule. Danse avec le monde. J'ai même plus de style. M'amuser est mon seul désir. Enfonce un peu dans mon délire. Quand j'ai baissé les armes, je me chéla. M'exprime pour ne pas que ça explose. Pour m'accrocher à autre chose. Quand j'ai baissé les armes, je me chéla. Je sais que les gens me touchent, que ça vous saoule. Néanmoins, essaye de laisser plus de champagne dans ma coupe. Pop champagne, it's your birthday. On joue pas mal, it's your birthday. On s'arrête jamais. It's your birthday. Et tu sens sur mon rêve son verre. Au revoir. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Je ne suis pas fou, je suis fou. Baby, goûte à ma chebou, j'ai du goût. Ramène tout. Tes copines ont fait le clip. Frotti frotta sur la piste, pas de slip. Doucement je glisse entre ces jambes-là. Décalé diff, décalé bangala. Décalé bangala. Le jack est bourré, merde attache-le. Je suis joyeux quand je champagne, sache-le. Je sais que les gens me touchent, que ça me saoule. Néanmoins, essaye de laisser plus de champagne dans ma coupe. Pop champagne, it's your birthday. On joue pas mal, it's your birthday. On s'arrête jamais, it's your birthday. Et tu sens sur mon lèvre son verre. Au revoir. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, eh. Hola, hola, Nocturne. Quand je me sens tout seul sur la planète, je suis comme une étoile filante. On est au moins 10 mecs dans mon crâne. Armé d'une volonté immense, vous entendrez des bang bang, je vais lâcher la bête. Bande d'enfoirés, c'est bang bang, démarrer la caisse, toujours au top de la qualité. Je vais les pétarder d'une force, mais t'as pas idée, juste fuck la gravité. Tant que le jazz me domine, tant que mon cœur me dit allez encore une. Tant que j'arrive à faire le vide, retirer sur ma colline. temps que j'ai conscience que je suis libre, que j'ai le champ libre. Si je retenais mes coups, je ressentirais ce grand vide. Toujours dit que je ferais la diff, mais on dirait que t'as pas cru le message. Si je frappe toujours le premier, c'est que je suis sûr que je peux assumer ça. Pute nègre et négro fragile, vous me virez ça. Je fais ce rap en français, mais mon cerveau est aux USA. Habitué aux jaloux, mais je vis mon cutre pleinement. Un Hulk ou un loup-garou, mais je mise sur un cœur de lion. Car si le cœur est vide, le projet n'aura pas d'âme. Lève la mer de la Côte d'Azur, la tour Eiffel de Paname. Et ce pétard devient normal, aucunement une option. Je porte des Jordan, je veux être l'équivalent dans le son. On flaire, mais pas des grosses relèves. On gère, reste 10 secondes, on perd le match. Le coach va me faire très rond. Je me sens tout seul sur la planète. Je suis comme une étoile filante. On est au moins 10 mecs dans mon crâne. Armé d'une volonté immense. Vous entendrez des bang bang, je vais lâcher la bête. Bande d'enfoirés, c'est bang bang, démarrer la caisse. Toujours au top de la qualité. Je vais les pétarder d'une force, mais t'as pas idée. Juste fuck la gravité, juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Je veux juste fuck la gravité. Juste fuck la gravité. Juste fuck la gravité. Juste fuck la gravité. Réveillez-vous. Toute la street d'air est derrière nous. Même calé dans vos listes d'attente, on s'en vendra vers le bif à prendre. Réveillez-vous. Toute la street d'air est derrière nous. Même calé dans vos listes d'attente, on s'en volera vers le bif à prendre. Demain, je vais me placer, je vais mettre les boules avec. J'ai juré que je vais très en, j'ai reculé, t'as cru que je voulais fuir. Je prenais juste mon élan, je parle en zère, je parle en verlan. La rue connaît mon prénom, tu découvres ou tu te rappelles. Tu sais que je gère bien mon terrain, je suis de ces artistes qui font des thèmes. Joue à gonnerie et peine, je peux pas m'aligner au système. Je win avec mes règles, je deal avec le ciel. Je trime avec mes ailes, juste pour défier la gravité. Je signe avec les veines rangées. Je démarre, je prends la pluie à deux pieds. En face de moi des Black Griffin, Yao Ming. Mais le truc que j'ai développé, c'est le ramène qui tu veux, je défouraille sec. Ils peuvent même balafrer mes peuchers de mes baskets. Ils comprendront jamais, ils viennent d'où le jazz. Les bails que je bouleverse, les cailles dont je troule d'herche. Je mélange le tout et je verse mon élixir qui me donne des ailes et du juice. Faut que la fragilité, j'ai évacué la haine et le doute. Quand je me sens tout seul sur la planète, je suis comme une étoile filante. On est au moins 10 mecs dans mon crâne. Armé d'une volonté immense. J'entendrai des bang bang, je vais lâcher la bête. Bande d'enfoirés, c'est bang bang, démarrer la caisse. Toujours au top de la qualité. Je vais les pétarder d'une force, mais t'as pas idée. Juste fuck la gravité, juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Et je m'envole, je veux juste fuck la gravité. Juste fuck la gravité. Juste fuck la gravité. Juste fuck la gravité. Réveillez-vous. Toute la street d'air est derrière nous. Même calé dans vos listes d'attente, on s'envolera vers le bif à prendre. Réveillez-vous. Toute la street d'air est derrière nous. Même calé dans vos listes d'attente, on s'envolera vers le bif à prendre. Réveillez-vous, toute la suite est derrière nous. Même calé dans vos listes d'attente, on s'en rendra vers le pif à prendre. Réveillez-vous, toute la suite est derrière nous. Même calé dans vos listes d'attente, on s'en rendra vers le pif à prendre. Demain c'est maintenant. La Nocturne, 100% rap français avec aucun rire au contrôle de La Nocturne. Là on était parti dans Superman Noir, hein, le projet qui est dans les bacs. Ouais, c'était le morceau Gravity, produit par Smith. Voilà, c'est dans le projet Superman Noir toujours. Je rappelle qu'il est dispo dès maintenant, il est sorti aujourd'hui ce projet, voilà. D'aucun rire, nouveau projet. Exact, c'est dispo, allez vous mettre bien, c'est sur iTunes, c'est dans les Fnac, c'est dans tous les G's, tous les bails. Et puis c'est dès maintenant, donc si vous voulez le précommander ou le commander dès maintenant, n'hésitez pas. Est-ce que tu vas aussi reprendre un peu de scène? Est-ce qu'il y a 2-3 dates aucun rire prévues prochainement? Bon, ça se cale, et puis dès que c'est calé, je pense que je lancerai les infos à travers les réseaux sociaux. sur ma fanpage et sur mon Twitter, Insta, tous les 10 quoi. On repart sur quelle session? On repart un peu en arrière sur, sur l'album Diffray. Diffray. Voilà, on reste un peu dans la folie pour une petite case dédiée à mon Zizi Durclan avec le morceau Jamais moins le. J'espère que ça va leur faire plaisir aux Zizi Durclan. Dieu, à tous les boxers, on roule. Hall Carré au contrôle de la Nocturne. Jamais moins le dans mes dresses, plus dalle que des esques. Des terres, forcené, je suis torse nu, je suis dans le Weffer. Dans mon red cup, j'ai mon destin. T'es max parmi les Vespa. Prestance, pectance, je suis au max, n'est-ce pas? Je suis sans limite, je suis grave. Mon flow glisse, je suis savon. Je monte en bas, je tombe en haut, je fais une move off, même en avant. Là, tu dis que ce type est bizarre. Je fais kiffer cette vie naze. Fort Nicki Minaj, je la mise dans scène de ménage. Jamais moins le. De point d'âme, l'honneur d'un bouc du canal. Affilié à la gestion, je geste et je me parane. J'ai de la blue magique si tu veux de ça. Dis que ça, antilope ça. Baby, juste une danse. Pourquoi, pourquoi, gros sang là, je lol et je relol. Jamais, jamais moins le. Nicky Larson, Jiraya, ces boucs sont mes idoles. Je suis un bouc simple, mon vivant. Dans le rap game depuis 10 ans. Si je canne, si je crève, je sais que je m'en sortirai vivant. Là, je lol encore, si t'as pas compris que t'es vraiment con. Faut que les ambiances monotones. Jette un cocktail monotone, 17 bouteilles de champagne. Je vous laisse préparer la teuf. Je suis censé être en Bretagne. Donc faut pas me poucave à ma meuf. Jamais voir. De femme dans le viseur, mon chakra, mon cosmos, tête boubou, c'est les freezers. Dans mon pavaning, je fais des grands pas, je trébuche mais je ne tombe pas. Des terres comme un rempart, je fléchis mais je ne romps pas, ne s'agit que de ça. Pas mourir, pas mourir, pas mourir, je mets le rap game sur le divan façon Caroline. Caroline, où vous êtes mes grosses cuisses, où vous êtes mes grosses cuisses, je veux mourir dans des grosses cuisses. Laissez-moi me répéter, y'a du monde au balcon, mon œil fait des saltos. Y'a du monde au balcon, dans mon bang, elle a fait pas le con. Toujours 17 bouteilles de champagne, je vous laisse préparer la teuf. Je suis censé être avec Cam, donc faut pas me poucave à ma meuf. Jamais voir. Y'a le plafond, le plafond, le plafond est en feu. Quand on a rien à foutre, nous on ne quittera pas les lieux. Donc brûle, enfoiré, brûle, enfoiré, brûle. Y'a des champagnes, y'a des grosses couilles, je suis avec nos visites dures. Y'a le plafond, le plafond, le plafond est en feu. Quand on a rien à foutre, nous on ne quittera pas les lieux. Donc brûle, enfoiré, brûle, enfoiré, brûle. Y'a des champagnes, y'a des grosses couilles, je suis avec nos visites dures. Rap. 100% rap français. Je fais des jeans, l'aventure, l'aventure. Maxence, Maxence, Blue Magic, Blue Magic. Fais-y-tu, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max. Encore une fois, Max Diff a fait la diff. J'ai crevé l'œil de Sauron. J'en place une à Christian, à sa grand-mère la MILF. Je me pavane total, je me crois à Grincho. Guette un peu mes clips, c'est en roue arrière qu'on grille feu. Je ne traque que le Big Sum. Je ne sors qu'avec des Ciara, Megan Fox, des Kerry Hilson. Depuis que j'ai repris le chrome, je suis traqué par des McNulty, Mac Taylor et Chris Sum. Yo la MIF, on est ensemble. Je ressens mon chakra à travers mes membres, à travers mon bangala. Donc à présent, nous en sommes là. Tu voulais du texte, du sexe, des pecs, des fesses, en voici, en voilà. Tous ces pions veulent me tester à l'épée. Genre le pompe comme Omar, le plus gay, t'as des gays, t'as des gays. J'ai sauté du pont, j'ai pété les plombs, c'est Iron Mike 2.0, vas-y fais péter le son. Iron Mike, Iron Mike, l'œil du tigre, l'œil du tigre. T'as fait des morts, fais des morts. J'fais des jeans, j'fais des jeans. D'aventure, d'aventure. Maxence, Maxence. Blue Magic, Blue Magic. Fais-y-tu, fais-y-tu. Oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max. Même si le game veut pas me hook up, big up. Tous les bouts qui restent hip hop, j'suis pas vos rappeurs, moi je leur picote les codes. J'ai mes délires, j'ai mes petits codes. Violent dans vos hip-hop, Bélec si tu t'y colles. Tu joyeux quand je picole. Ça oublie l'essentiel, ça joue les people. Un ou deux couplets, c'est ta carrière que je chiffonne. Tortue géniale et Jiraya sont mes idoles. Dix à for life, j'suis même damné devant des 10 tonnes. J'pétarde, j'pétarde. Soyons fous, soyons fous. Buvons, buvons. Crayons tout, crayons tout. Si t'es pas préparé, un cigare au cou, cigare au cou. Va traquer ton billet si t'as pas les sous. J'te mets bien ma cam au top de l'héros. Docteur Géro, m'a réparé 2.0. Et pour ceux qui me croyaient dead, oui, j'm'adresse aux putains là. Vous avalerez mon jet comme si j'éjaculais des Nutella. Iron Mike, Iron Mike. L'œil du tigre, fait des morts, fait des morts. J'fais des jeans, j'fais des jeans. D'aventure, d'aventure. Maxence, Maxence. Blue Magic, Blue Magic. Fais-y-tu, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max. Qui veut du rap sale, crie mon nom, normal. Pourquoi tu flippes, jamais, triomphe, la faucheuse. Qui veut du rap sale, crie mon nom, normal, Tu flippes jamais, crions, la faucheuse, Iron Mike, l'œil du tigre, fait des morts, j'fais des jeans, d'aventure, Maxence, Blue Magic, Fais-y-tu, Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max, oh Max. Totalement Max 2.0. Des restes d'Holyfield entre les dents. Je me pavane torse nu, glaive dans une main, mic dans l'autre. Y'a quoi même? Swagué d'un Visley et d'une Jordan 6, mon boug. Dieu a un plan pour moi. Je suis sur le ring et c'est pas des paires de talons qui vont mettre KO. Sachez-le. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. Yeux massifs, jeter mon marche par marche. Bien plus qu'un soldat, je suis un black spartiate. Je n'ai jamais baissé le gun, je l'ai jamais fait pour le fun. J'aime représenter mes guns, ma rime claque sa race. J'ai la place droit dans le crâne, je ne tire pas dans le bide. Je te finis avec la crosse quand mon chargeur est vide. Pas facile de marcher dans mes grottes, je vais vous mettre vraiment le seum. Je vais faire les bails, négro démolition. C'est la jungle et la haine m'aide à survivre. M'adapte à la crapulerie des boucs, j'ai besoin d'ennemis pour vivre. Cette merde me pète les couilles, les salauds qui voulaient me brisé hier, aujourd'hui me lèche les boules. Et je cours sur un terrain de mine, mais je garde mes plumes et ma rage, m'enlève ton estime. Et mon côté humain, j'atteindrai le sommet seul. Si les putes nègres me délaissent, analyse comme tu peux. Tu ne guériras pas mes faiblesses, suis un bouc de la frise verte. Je t'en prie, ne m'épouse pas, laisse-moi faire mes dièses et mon pèse. Vas-y, pousse-toi, le drapeau levé. Tous les connards, barrez-vous, l'escarlat saute en garde à vous, je rappe pour de vrai. Et ma life, c'est des crimes et du sang, des rimes et du son. Je ne fais pas ça pour des mille et des cents, mais pour des millions en euros. 6 ou 7, 0, ma secrétaire qui me pèpe dans mes roros, dans mon bureau. Je n'ai pas peur de la mort, si c'est mort, c'est que c'est ça la vie. Je préfère être roi en enfer plutôt qu'esclave au paradis. La dignité, la fierté, notre force, nous la gardons. Même si j'ai la couleur, je ne servirai pas de charbon. Même dans l'agonie, seul dans la folie ou noyé dans ma peine, je me relève comme un chevalier d'Athéna. C'est trop dur pour un renom à ce front. Encore plus dans le game, le même sang mais le mien bout dans mes veines. Les lascars se cachent pour pleurer, moi mes larmes, elles ne tombent pas. Peut-être j'aurai de la pitié et quand tu seras allongé, t'aires pas. Mes books sont en mode Hollywood, street acteur. Rien qu'on parle de la street alors qu'on la connaît par cœur. Les MC ne me foutent plus de claques, trop de ploucs dans les bacs. Les anciens, eux n'écoutent plus de rap. Me voir tomber en galère, ça mon frère, ça ne te gêne pas. Tes paroles sont fake, tu me check, mais tu m'aimes pas. L'euro nous a rendu animal, cannibale. On s'exprime par injure, par les coups, par les balles. Moi-même j'ai failli die pour de la haine gratuite. J'ai décoché des crochets pour qu'ils prennent la fuite. Ce n'est pas nécessaire, j'appelle ma clique. Et les mains qui te brisent sont les mêmes qu'entretiennent ma petite. Ma life est une feuille bourrée de ratures. Plus rien ne me surprend, l'homme est mauvais de nature. Ça veut fuir le réel par la fume ou la picole. Les rappeurs pour un petit buzz croient même chier du pétrole. Rien ne sert de faire le zoulou, hardcore ou même de spi. Quand la colère souffle, fume la flamme de nos esprits. Respire, prends ton temps, rien ne sert de courir. Y'a beaucoup de violence camouflée derrière mon sourire. Après chaque bataille gagnée, prends le temps de t'en réjouir. Pas d'homme au-dessus des hommes, n'oublie pas que tu vas mourir. C'est la Nocturne 100% rap français. C'est All Carré au contrôle de la Nocturne. Memento Mori à l'instant. Beau morceau celui-ci. Hein. Ouais, sur l'album Demolition Man. Ouais. Demolition Man sorti en 2008, je crois. Voilà quoi. Tu as eu un problème avec les dates? 2007, non, 2008. Tu sais plus sur les dates? Ouais, en tout cas, c'était vers là quoi. C'était à ce moment-là en tout cas. Ouais, voilà. Morceaux. T'as des morceaux comme ça en particulier de toute ta discographie avec, je sais pas, une affection particulière, certains titres Rien que là, on traverse le temps. Moi, ça me plonge dans des grosses nostalgies aussi, tu vois. Ah ouais. Même en écoutant ce titre-là, toi, tu te rappelles comment tu l'as écrit, comment tu l'as clippé, la première fois que tu l'as fait écouter, comment l'ambiance était au studio. Ouais, bien sûr. C'est quoi, par exemple, si on pense sur Memento Mori, t'as d'abord eu le son, t'avais un texte qui collait à peu près, c'était... Ouais, exactement, j'ai d'abord eu le son, je l'ai écrit d'une traite parce que le son m'inspirait, il avait une atmosphère particulière. Et puis allez voir le clip pour ceux qui l'ont pas vu. Et le clip aussi a un délire particulier. Une ambiance, ouais. Je pense que c'est même un des meilleurs clips que j'ai tourné. Je trouve que le délire il est validé à 100%. Tu vois, j'ai été totalement satisfait du résultat, quoi. Bon, en parlant images, il y a d'autres images qui arrivent pour Superman Noir parce qu'on connaît déjà. Et là, t'en as balancé un là il y a quelques heures, il y a quelques jours. Ouais, exact. J'avais balancé le premier, c'était Rap Torse Nu. Rap Torse Nu, ouais. J'avais envoyé en audio le titre Bangala avec des images illustrant un peu ma folie. L'ambiance. Ouais, non. L'ambiance du jazz, c'est Club Erlang. Il y a le clip. Et le clip de canalisé GEC qui va arriver aussi. Puis il y a des petites vidéos comme Training Motivation qui arrive aussi, tu vois. La première c'était spécial CrossFit, la deuxième c'est spécial Box à BS Team. Voilà, on essaye d'occuper le paysage comme il se doit, avec des choses conséquentes et consistantes. Mmh. Superman Noir, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui. On va finir avec dernière session. Ouais, une dernière session un peu Iron Mike, on va dire. Ok. Iron Mike 2.0, on va se balancer le Belek, Big Cass dédié à Book Dry, et Madison Square, Book des Terres, voilà, on va finir comme ça. Olkari, Dry. Dieu. Je veux que tu saches avant de crever comme un chien que je vais me la faire, ta salope. Tangent. Je vous ai pourtant dit de faire blec, les mecs j'ai les crocs, chute depuis ma fenêtre, je vous pénètre le micro, tu kiffes donc je vais te la remettre. Vous fais blec, tourne à blec, trouve une belette fraîche en legging, la podcast sera violette et la correction sera terrible. Je tire au pompe même à l'arbalète, calibouze, elle est boug, je fais les bails. Si c'est pas mes douilles, celle de dry, rien que ça graille, augmente le volume, où je t'en colline, rien qu'on t'allume. Quand la lune est pleine, mes boucs verts viennent ténébreux comme Gollum. Négro, j'pense que j'abuse, j'te mets le glock dans la nuse, salace. J'effraie, j'arrache, sans pitié pour la graille. J'prends le ballon de la main gauche, fais la passe à William Gallas. CBR ou arrière, nous sommes mis père. La limite de ma violence est un mystère. Si t'es un boxer, de la street zère. Le son du bruit résonne comme un cri de guerre. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Hey, belek, belek, mec, ici ça tire, mais pas au com cogne. Vend de la pure, pas de la com. Non, ne cause pas, tout au fun. Faire des gros sommes et le rituel. La violence n'est plus que du virtuel. On casse des bouches, faut que la rouge les baise au plus haut de l'échelle. Nos vies ne sont que des boucheries, des tromperies, aux tueries. C'est foireux, comme la France à la Coupe du Monde, sans zizou. Zéro, ce qu'on kiffe, c'est les zéros sur l'échec et le magot. Les chats qu'on les jette, choque l'État. Fais l'échec et nos passes droits, c'est nos Beretta. On danse sur les champs des glocks et des portes du pénitencier. Colporte la bonne parole, ouais, shoot-le. Pour rester entier, c'est danger que des parias dans nos quartiers. Est tarté, fais belek, belek dans les rues des vrilles jusqu'à chaque quartier. Yeah. CBR ou arrière, nous sommes mis père. La limite de ma violence est un mystère. Si t'es un boxer, de la street zère. Le son du bruit résonne comme un cri de guerre. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Rebeu, l'autre, c'est graillé du bitume et je rote. Diff du CNL, toujours représenté le bloc. Depuis l'époque, c'est le du hard rock. On stoppe tous les parasites, n'hésite jamais à faire feu. Si des balles trinquent, veulent chlasse ton lévis. Les bastos, on les évite, on les grignote comme un amuse-gueule. Dans la haine, j'ai trouvé l'amour, mon flingue et bien mon âme sœur. Belek, belek, mais sommes du terrain, tenir les manettes. Des stupes dans les boxes en palette. Et ça te crosse même pour une barrette. Faudrait que j'arrête la violence, l'insolence, ainsi que les films de boules. Pour une tonfe avec Katsumi ou Jada, je te fume un bout. Que j'arrête de voir le monde en noir, c'est le cachet mon moteur. Que des hommes à la hauteur dans mon territoire. Clash, on tire sur toi, mais en plein cœur. CBR ou arrière, nous sommes une paire. La limite de ma violence est un mystère. Si t'es un boxer, de la street zère. Le son du bruit résonne comme un cri de guerre. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. CBR ou arrière, nous sommes une paire. La limite de ma violence est un mystère. Si t'es un boxer, de la street zère. terre. Le son du bruit résonne comme un cri de guerre. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Belek, belek, ici ça tire, ici ça tire. Planète Rap, la nocturne. Mais je suis plus fou que lui. Bougdif aurait dû voir le jour à Brooklyn. Jikun Clean, le pète à tout le film. Iron Mike 2.0 est mon blueprint. Je veux voir les refrains dans des belles gauves. Même si l'ingratitude est à la mode. Demande à Mesh si j'ai fait le job. Je reste au max à tous les épisodes. Les bâtons se battent, personne ne va gagner d'office. Attends pas que je mène pour faire sonner mon 06. Je pense qu'il est vraiment l'heure de graille. Ou d'être en essayant Get Rich or Die Trying. Armé d'un second sourd, je me relève et serre les dents. Je sais ce monde est ouf, mais ma folie est bien plus grand. Je ne tombe pas et je domine le combat. Je défie les ténors, ne vise que l'or. Jusqu'au Madison Square, jusqu'au Madison Square, Madison Square, vise le Madison Square. J'suis au max, c'est reparti. J'en les yeux des haineux qui s'écarquillent. C'est comme un canon si et qui cause. J'en suis au 8, 9 ou 10ème projet. Zizi dur même quand j'suis ni posé. Je me pavane à la Ricky Rose. Dans le game, ça ne game plus. Les couplets n'en jettent plus. Le type qui ne rêve plus. Seul le taf pète, j'fais des tas d'efforts. Un MC de classe S, un chevalier d'or. Ma volonté, j'ai la doigt à son père. J'use le max, je vise le Madison Square. Si tu veux tirer, vas-y fais-le vite. Dif à la dalle comme en 90. Ton rappeur préféré, moi je lui fous le feu. Je suis un béninois béni des dieux. Et si la chance ne me cause plus, je la traînerai par les cheveux. Avec son cum victoire et son âme en réussite. Jusqu'au Madison en co-star, sachez-le. Armé d'un second sourd, je me relève et serre les dents. Je sais ce monde est ouf, mais ma folie est bien plus grand. Et je ne tombe pas, et je domine le combat. Je défie les ténors, ne vise que l'or. Jusqu'au Madison Square, jusqu'au Madison Square, Madison Square, vise le Madison Square. Rap français, planète rap. Lorsque l'on la kill, nocturne. On n'en perd pas les euros. Et le temps file, veut nous tailler en pièces. On voit s'enfuir tous nos rêves de héros. Ensuite s'inscrire à les galères de Tiex. J'ai le regard d'un bouc d'éther. Et le boire comme un taureau. Au-delà d'être un bouc pépère, la délinquance fera ma promo. Yeah. Seigneur de Bergerie 91, mon fichier bout. Tu te penses mon boîte. C'est quoi les boîtes gros? Yeah. Je me booste, bouge, si tu veux mon réseau carnalito. Faudra affronter ce bouc qui a vécu le plus dans les hôpitaux. Je vais vivre prince, donc personne m'empêchera des titres. Aussitôt je suis loin, mais loin du H to Isodo Vito. Panam voulait ma mort par balle ou par la scène. Si c'est mort, j'aurais vu l'arnaque. Même comme Boris Yeltsin. Ce qui canne pas rend plus fort. Le texte le prouve, dans ce game aucun blême peut me coucher. J'm'aime pas le sexe d'une pauvre, j'essaie de faire de la bouchée. J'pense en approchant le jour J où nos mères traîneront près de Gucci et loin de Fabio Lucci. J'dis à Coquen, Sissi, Obama l'a fait. Qui truque les cuisines de la Maison Blanche, un jour sentir elle m'a fait. J'rappe ma vie, m'rappelle le chacal que j'étais. Le tout bip, vu mon appétit depuis que j'ai l'âge d'allaiter. Aujourd'hui 23 balais, j'ai passé dans le seum. Dans des briques où l'on vit que selon la frappe du seum. Si j'ai trop de rage sur mes lyriques, trop l'art imidilique. C'est que le passé de ma vie m'irritait. Que la voyou crasse et milite pour la life easy. Qui me file un mic, qui me file un plaque. J'cuisine et graille avant que le shaitan nous visite. Qui peut stopper la force d'un petit qui m'offre. Ou me stopper quand j'bosse pour voir ce que la musique m'offre. Qui a dit que c'était nouvelle donne à la prod. Dites-leur que c'est juste moi, Bridi et le ciel en autofraude. Les bourses sont pétrifiées de peur, tellement marie mes froides. La jalousie je l'ignore, je laisse pas aller mon swag. Je reste à fond dans mes guises, pas mis des tas de pute blé gros, je suis parano, je n'ai confiance qu'en trois gars. Je laisse rifle et voilà. Je me laisse le choix d'armer le mic, que les putes et les faux se mettent en wad. Je suis au stade ou dans mon hood, c'est le pride. Ma haine est dévastatrice, ma gentillesse est bad. Polo se baisse les yeux quand nos regards se croisent. Tu prends ma dope, tu vois le jazz, je chie dessus comme un oiseau. De fer nous croisons, je résiste au poison. Tous ces fils de pute du game vont me refiler ce qu'ils me doivent. Les drapailles en 205, le deal, c'était moi avant. J'ai rangé le Glock au placard, mais je suis terrifiant du brave. Je vise la vérité pour propriétaire de bave. Et Manon Doux me pique swat avec des filets de bave. Je contredis le scénario où le noir meurt comme dans les films. La robe cache te la glisse juste entre les deux comme dans le stream. Puis au-delà des apparences, Diff n'a vraiment pas soufflé. Constante évolution, appelle-moi Ichigo ou Sasuke. Battre mes soldats s'attrouper, tous ces haineux s'accoupler. Les bastos ne m'ont pas touché, défouraille en trois couplets. Diff est pépère, déterre, je fais les bails, mon soi-disant roro. Ramenez-le-moi, je vais les grailler. Ramenez-le-moi, je vais les grailler. Amenez-le-moi, je vais les grailler. Amenez-le-moi, je vais les grailler. Carré, Tito Prince, des boucs d'éther. Ouais, ça m'a fait plaisir hein, moi-même de réécouter tous ces titres. Ben, ça fait plaisir à plein de monde. J'ai vu les messages, donc continue à bombarder All Carré, allez le suivre sur les réseaux sociaux, allez récupérer Superman Noir dans les bacs en attendant d'autres projets pour 2016. Hein. Exactement, ouais, on est déjà au four là, en train de préparer les prochaines wings. La suite. Les prochaines quiz. Les prochaines quiz, ouais. Et sinon, voilà quoi. Grand merci à ceux qui soutiennent, qui donnent la force depuis le début, ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là depuis le début. Et voilà quoi. C'est pas simple hein, d'enchaîner tous ces projets, d'être là depuis si longtemps et d'avoir encore des gens qui attendent et qui apprécient. Donc voilà, remerciements, grand remerciement à tous ceux qui sont encore derrière moi, qui soutiennent le All Carré, le Book Diff. Et puis allez découvrir, c'est peut-être que, d'ailleurs, si vous connaissez pas encore assez All Carré, n'hésitez pas. Exactement. Vous n'allez pas être déçus avec notamment. Gros big up à tout Paname, tout le reste de la France, à mon secteur, d'Evry, Courcouronne, Corbeil, Grigny, CNL, Atis, Mons, 3F, tous les G's, tous les bails. Si, tous mes soldats, tous mes bookzers. Merci en tout cas pour cette nocturne, ce début de nocturne avec toi, All Carré. Ok. À très vite. À très vite, hein. Merci à toi, Fred. Et puis on va guetter de très très près ce qui va se passer pour cette année 2016. Puis la prochaine fois qu'on se voit, tu te seras mis au crossfit, tout ça, d'après toi. Donc ok, tu seras affûté. Ah, vas-y, à bientôt. On voit ça. Tu m'as mis la pression. On roule, mon frère. Allez, ciao. Passez une bonne soirée sur Skyrock, la nocturne qui continue. Ciao. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Allez, juste après All Carré, c'est reparti pour une heure de son 100% rap français, la nocturne. Sur Skyrock, le hashtag c'est la nocturne. Et le morceau qu'on écoute maintenant, c'est Monsieur Kekra. Et le titre, pas joli dans la nocturne. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Jean Diego Armando Maté, si c'est Napoli. C'est la guerre dans ma tête, ma jolie, tout va trop vite. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Issu des quartiers douteux où c'est pas joli. Jeune

Rio aux manettes. Corps diplomatique, trafic, manette. Pendant que les nôtres sont trop tueux pour des barrettes. Strass, paillettes, stress, palette. Pauvre digne contre bourgeois malhonnête. Je suis dans les cordes, je fais semblant d'être soigné. Soigné. Ils donnent tout ce qu'ils ont en espérant me voir tomber. Tomber. Pour l'amour des miens, je ne peux pas abandonner. Jamais. Je lâcherai rien même si tu me vois tituber. Je suis Mohamed Ali. Ils font des singles, je fais des classiques. Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Pique comme une abeille. Lequel de vous prétend éteindre le soleil? Vol comme un papillon, pique comme une abeille. Planète Rap, 100% rap français. Allez, on tente un deuxième essai. MHD et le Afro Trap 6. Normalement, tout devrait bien se passer. Mais qui sait? C'est le concept de la nocturne aussi. On pourrait te liquider pour des grosses sommes. Billets gris n'est plus harpel, fruit de la passion. Négro vont la m'attaquer, Wallet sous mauvaise idée. On m'a dit que j'étais le prince, maintenant je suis plus m'arrêter. Quand t'as fumé ma moula, arrêtez pas la bouteille dans les puceaux. Moi je suis seul dans mon couloir. Check dans le sem, je sais check dans le sem. Comparez pas les matuses, les mots de la prisonne. C'est fini du passe pour retrouver le silence. Les avoues m'appellent, j'ai répondu présent. Quand j'ai perdu personne, j'ai les couilles en ciment. Libérer nos poteaux, ça fait déjà longtemps, ouais, ça fait déjà longtemps. Que t'aimes ou t'aimes pas, je vais rester le même. J'y vais mollo, mollo, car les jaloux s'inquiètent. Fils, fais les choses bien. Un faux trap parti 6, fais l'effet d'un extinct. Un faux trap parti 6. J'y vais mollo, mollo. Mais moi, j'y vais mollo, mollo. Frappe les mollo, mollo. J'y vais mollo, mollo. La concu est dans le rétro. Les protos m'ont dit qu'à vous bas. J'y vais mollo, mollo. Et moi, j'y vais mollo, mollo. Frappe les mollo, mollo. J'y vais mollo, mollo. La concu est dans le rétro. Les protos m'ont dit qu'à vous bas. J'y vais mollo, mollo. Entrez dans le rap game, un petit geste. Pas les pinceaux, j'suis pas assez artistique. Après être à partie 6 dans l'instru acoustique. J'représente Panam, 19 crédits, tiens tranquille. Colonel Abargue et Varache. 19 première place dans la cheval, c'est les gens percés. Trop éclair pas comme une perceuse ambiancée. Pas une vie de merde dans une cité décidée. Corriger mes fautes comme un dicté, la son du RAP. J'me suis injecté, surbois injection. Rando en pression, on check à rapace de jeune masse de coups de pression. 750 paquets, freestyle de paquet. J'répète d'être piqué, même trop mis ma braquet. Des juges j'ai claqué, ok j'ai gâté. J'comme même des déserts. J'y vais mollo mollo, et moi j'y vais mollo mollo. Frappe les mollo mollo, j'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro. Les photos m'ont dit qu'à vous vas-y, mais mollo mollo. Et moi j'y vais mollo mollo. Frappe les mollo mollo, j'y vais mollo mollo. La concu est dans le rétro. Les photos m'ont dit qu'à vous vas-y, mais mollo mollo. MHD en intégralité, le Afro Trap 6. Et Alonso avec Spike Miller maintenant. Sur Skyrock. Tu m'as reconnu, moi je t'ai pas vu. Oh

mes frères. Là, je suis dans le bar, on s'est déclaré la guerre. On s'est déclaré la guerre. Faut tout ce qu'on sort, on va pas se réveiller pour les gros sorts. Faut que tu me conseilles, je resterai avec toi si tu me consommes. Faut que je consomme, ma part se réveille pour les gros sommes. Faut que tu me conseilles, je resterai avec toi si tu me consommes. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Le son de Jarod, le morceau s'appelle Vibe dans la nocturne. Je parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé. C'est pour ça que je suis resté le même. Peu de confiance dans les hommes, aucune confiance dans les femmes. J'ai le contraire de l'amour pour des amis. J'avance pas si c'est pas qui t'aime. Mon empathie m'a gêné. Qu'est-ce que tu fous dans ma rue? J'espère que tu fais pas du peiné. Je mets des tales sur un traître. Je parie qu'il va faire un pet. T'esquives pas la balle dans la tête. Je rêvais de faire de la maille solo. Si t'as capté les bails, follow. J'parle du mal qui m'obsède. J'traîne la peur de mon passé. C'est pour ça que tu restais le même. J'ai vu la monnaie. T'avises pas de me faire un coup dans le sac. J'ai trop déconné. Pour un avenir que j'ai jamais croisé. Sors un son, j'sors le mien. Y'a juste une diff de phrase. J'parle du mal que j'ai connu. J'parle des hommes qui sont passés. T'es dans ma paille. J'arrive toujours pas à m'aligner. Change tous les mois de number. C'est la deuxième DP, j'y veux me remonter. Je monte dans un autre Uber quand je sens un truc chelou qui veut me parasiter. Cette pute pourrait être ma sœur. Je suis un mec de la night, genre je prends la vengeance à cœur. Tu me suis ou pas, jeune Zulu? Skyper, Skyper. Je veux pas tes conneries de vaudou. Nachaf, je suis sur 7-5, mais le volume on a rempli une salle. Deux salles, trois salles. Mais ne pêche mes skintes, tu m'aimes, j'ai mal. Change pas de maillot, gars tu nous connais. J'sors à porte maillot pour récupérer un peu de monnaie. Une pour mes avants à Montréal qui n'a écoute. Ça m'étonne, j'suis à l'point. Un moment j'garde ma tête froide car j'ai déjà connu les belles sommes. Frappe ton mentor, j'l'ai vu à poil dans le corner. Mise à mort, que de la frappe dans mon cornet. Ça chill, ça chill, ça chill. J'suis le meilleur mec de ma ville. Vas-y monte dans la Batmobile. Jeune Zulu, jeune Zulu. Explicite lyrics. La nocturne. Cozy, grosse force à Cozy. Glock chargé dans la nocturne. Cozy, Niama. 9-2. Bang, bang. Chip Norris, le dernier de dinosaures. Dino Map. Abitu Gangsta. Gianni Sassa. Check vous. On ramène les Libanga dans le rap français, ma gueule. Hein? Ça. Mais qui a dit qu'un Congolais paie son froc ici? Glock chargé, Glock chargé, bouteille de Jack, le Billy. Glock chargé, le premier qui bouge, on va lui allumer sa remet. Tu parles beaucoup, t'assumes pas, imbécile, viens que je te casse le nez. Après la pluie, vient le beau temps, je crois bien qu'il est l'heure de mon succès. Toi tu veux être ma Halel, t'as mes tours comme Nolwenn, je te fais la fête Doomba, même si c'est pas Noël. La City, ça galère, ça pipi, ça soulève des haltères. Un coup de feu, tu retrouves des mecs à terre. Gamos remplis de fumée, les budgets, les mbis, la nous piste. Ta big grave de trois poches, t'en veux. Et tu te prends pour un grossiste. Un plaisir. Le peur c'était mieux avant. C'est ce que diront les puristes. Pour percer, aller de l'avant. Ton MC suçait des pénis. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te couper ta m'assassine, ma si tu causes trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas 20 non gamo, j't'ai maté ma soco. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te couper ta m'assassine, ma si tu causes trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant mon gars, moi j't'ai madé ma soco. Oui, oui, oui, j'viens de Paris. Cagoulé comme les fracoles. C'est de la frappe ou de la soumise. J'aime quand ta femme, quand elle est soumise. Rafale en camise. Ils demandent si j'suis la vicarise. Ils ont les chicots remplis de caries. Ils font les mignons, mais dégagent aucun charisme. Pour mon père, j'suis un Wara. Mon carré plus sombre qu'un Jawara. Vite un thé qui sort du garage. J'peux pas d'embrasse avec une paire de warash. Tête fou Mara. Solida comme Timon et Pumba. Nyama Ondumba, je vais sortir les calages comme les frères Ndumbia. Lequel est-tu distingue? Tu portes jeune que tout tu distingue. Je crache un moulard au magistrat. T'es enfant de carrière comme Lionel et Jospin. Balle dans la tombe. Petit dans le prochain attendat. Je fais un 8 du 9, 3 les gants de Chicago et les ailes d'Atlanta. Tu la masses sur Twitter, elle me mate en tant qu'idole. Si t'esquives le percute, tu vas grailler le middle. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Te couper ta m'assassine, y'a ma si tu poses trop. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant nos gars, moi j't'ai mandé ma soco. Prends mon snap, bobo, pas FK, ma joue pas pour faire des chichis. Mon négro fait bellec à ta chérie, car elle m'envoie ses gros ma belle en selfie. Préliminaire sans modération, ton rappeur préféré est gay, se branle sur mes sons. Quatre coups de feu sur les feux d'une mongue, les histoires qu'elle souffre un bon coup comme les descendants B.O. L.E. Nyama, Shida, Ra, Libolo, Yama, Manabino. J'contois des mecs qui t'allument pour un regard. Baisse tes yeux si tu tombes sur la camo. C'est pas un featuring, c'est des m'bata. Baiser le rap, c'est trop facile, j'mets des coups de rein. Bêta, j'me suis débarrassé ton grava, car dans les descentes, ce bâtard ne valait rien. La bagarre n'existe plus, tire-toi au premier bruit du clac. Seven Bank, c'est Baltimore, séquestration dans le 14 Black. Libéré One Shot, bande de Jonju, on vient sur votre AD, on se pose et on prend tout. Quand mon gars Astro, j'pense qu'à faire des gains. Si ma Lucas, si c'est Kékette en moi. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et je suis costaud. Toko Beta m'assassine, y'a ma si tu costaud. Toko Beta m'assassine, y'a ma si tu costaud. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant nos gars, moi j't'ai madé ma soco. J'm'en bats les couilles, moi je suis petit et costaud. Toko Beta m'assassine, y'a ma si tu costaud. Dans le bendo, tout est noir, viens pas si t'es claustro. J'mets pas avant nos gars, moi j't'ai madé ma soco. Je connais pas. te bigrave, chose qu'elle dit, tu penses qu'avancer pas la paix. Je peux mourir demain, comment veux-tu que je me prenne la tête? Si t'as pas dosé, il m'appelle pas, non c'est pas la paix. L'avenir dans le mot, la nique est minée. Trop loin pour eux, j'ai ma tête, veulent m'éliminer. J'peux mourir demain, comment veux-tu que j'me prenne la tête? J'ai vu l'avenir dans le mot, la nique est minée. Ils ont écouté mes couplets, ils ont fait le grand écart. Font les restes, mais sont toujours à la case départ. J'ai dégainé mon clip, rien que ça part. Pas le temps pour tes bêtises, t'auras fait tes projets tout pourris. Quand Grégory n'est pas là, c'est là qu'on va danser les souris. Arrête de faire le fou, juste à rafaler ton euphorie. Quand t'es mort dans le générique et tu veux me raconter la story. Mon shit c'est de la violence et ma veuve me frappe à la tête. Grave chose qu'elle dit, tu peux qu'avancer pas la paix. J'peux mourir demain, comment veux-tu que je me prenne la tête? Si t'as pas dosé, tu m'appelles pas, non c'est pas la paix. J'ai vu l'avenir dans le mot, la nique est minée. Trop loin pour eux, j'ai ma tête, veulent m'éliminer. J'peux mourir demain, comment veux-tu que je me prenne la tête? J'ai vu l'avenir dans le mot, la nique est minée. 100% Lyric Planète Rap. Squadron pur, squadron pur. SKY, SKY. Lele gang, Lele gang. Yeah.